Dirait-on que moi, vieux rat d'auteur, rongé de soucis et de peines, je me surprends quelquefois à pleurer comme un enfant, en marmottant ces petits airs d'une voix déjà cassée et tremblante. Il y en a un surtout, qui m'est bien revenu tout entier, quant à l'air. Mais la seconde moitié des paroles s'est constamment refusée à tous mes efforts pour me la rappeler, quoiqu'il m'en revienne confusément les rimes. Voici le commencement et ce que j'ai pu me rappeler du reste. Tircis, je n'ose écouter ton chalumeau sous leurs mots, car on en cause déjà dans notre hameau. Point de suspension, un berger. Point de suspension, s'engager. Point de suspension, sans danger. Et toujours, l'épine est sous la rose. Je cherche, où est le charme attendrissant que mon cœur trouve à cette chanson. C'est un caprice auquel je ne comprends rien. Mais il m'est de toute impossibilité de la chanter jusqu'à la fin, sans être arrêté par mes larmes. J'ai 100 fois projeté d'écrire à Paris pour faire chercher le reste des paroles, si tant est que quelqu'un les connaisse encore. Mais je suis presque sûr que le plaisir que je prends à me rappeler cet air s'évanouirait en partie si j'avais la preuve que d'autres, comme ma pauvre tante Suzon, l'ont chanté. Telles furent les premières affections de mon entrée à la vie. Ainsi commençait à se former et à se montrer en moi ce cœur à la fois si fier et si tendre, ce caractère efféminé, mais pourtant indomptable, qui, flottant toujours entre la faiblesse et le courage, entre la mollesse et la vertu, m'a jusqu'au bout mis en contradiction avec moi-même, et a fait que l'abstinence et la jouissance, le plaisir et la sagesse m'ont également échappé.